J'ai demandé à School Kid pourquoi il détruit Termina. Il m'a dit que j'étais un naze et que je pouvais ranger mes phrases. Et comme il avait mon ocarina, je me suis jeté dessus et j'ai mis mon Max Donnelly. Et là il s'est enfui. J'ai demandé à la lune pourquoi elle allait s'écraser. Elle m'a dit que c'était pas de sa faute, mais que c'était celle du School Kid. Et elle et moi on a appelé les quatre géants pour qu'ils viennent nous sauver. Et c'est ce qu'ils ont fait, et je les ai remerciés. Je suis le géant de la veille, et moi je suis le géant des marais. Ouais, ouais. Et moi je suis celui de la montagne, et moi celui de la vallée. J'ai demandé à School Kid pourquoi il détruit Termina. Il m'a dit que j'étais un naze et que je pouvais ranger mes phrases. Et comme il avait l'ocarina, je me suis jeté dessus et j'ai mis mon masque d'Onili. Et là, il s'est enfui. L'empête.